Amina les envoie parce qu'elle espère que je perde. Ah. Je reviens au niveau zéro avec oui, elle. Parce que moi, mon but, c'est d'être le plus près possible de toi, Polo. Ah. Anaëlle, tu laisses Polo commencer ou tu commences? Bah, j'espère que c'est facile de battre avec un prénom de con comme ça. Ah, j'aime bien son prénom, moi. Oh non, mais c'est quoi, quelle agression, quelle agression gratuite. C'est toi qui agresses les gens, c'est pas moi. Ah, bah oui, la preuve. Bon, on y va. Jeu de la confidence. Le principe étant de discuter avec la personne qui va décrocher et d'arriver à lui, à lui avoir une confidence, quelle qu'elle soit, évidemment. Genre, par exemple, tu peux dire que, je sais pas moi, t'as des boutons sur la gueule. Est-ce que ça lui est déjà arrivé? S'il te dit oui, qu'il commence un petit peu à rentrer dans le détail, on va considérer évidemment que c'est une confidence. Il te dit simplement non, merci, au revoir. Bon, bah forcément, ça n'est pas. Bah, je choisis ce que je veux, du coup. Comment dis-tu? Oui, tu choisis. Oui. Ah, okay, le sujet, oui, bien sûr, tu choisis ce que tu veux comme sujet, bien sûr. Bon, allez, c'est parti, je te mets de côté, on y va pour Polo, c'est parti. Enfin, faut avoir une vraie confidence. Hein, parce que non, mais parce que là, il vient de dire oui, il faut juste que le mec dise oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Moi, 1000 fois, j'ai obtenu juste un oui. C'est faux. Ouais, mais juste un oui, c'est pas la même chose de oui, ça m'est déjà arrivé. Mais moi aussi, j'ai eu un oui, c'est déjà arrivé. Oh. Mauvaise chance. On est au Canada? Non, là on est à Paris, en France. On appelle au Québec. Au Québec. Bah dis-le, dites-le. C'est un appel langue. Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger, j'appelle de France et je savais pas trop où appeler. J'ai besoin de vous parler. Ah, bah non, pas voilà. Moi non. Pensais que tu voulais lui vendre un truc. C'est ça, ouais, j'ai mal tourné. Ouais, c'est de la merde. Bon, ben, c'est pas grave. Anaël, à toi de jouer. Oui. On y va, c'est parti. C'est la faute d'Amina, elle veut ma perte. Bien sûr. Ça pas... Bonne chance, Anaël. Bonne chance. Père. Oui, bonjour, madame. Je voulais savoir quelque chose. Je voulais avoir un renseignement, s'il vous plaît. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de vous soucier votre orteil de votre pied. Et ben voilà. Et ben voilà. Aussi bon là, ah ouais, là, on peut dire que nous avons fait un grand cru là au niveau du jeu de la confidence là. On a été nuls. Hein. Ah ouais. Pire technique de l'histoire. Bonjour. Ouais, là c'est le drame. Oui, bon, et ben Naël, c'est ce qu'on appelle une défaite également, hein, malheureusement. C'est dommage. Hein. Hélas. Bon, bah tant pis. Salut Anaël. Passe un bon week-end. À bientôt. Ouais. Hein. Merci. Salut. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah. Tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Dile que tú eres. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, une belle journée, j'espère que ça va ce matin pour le réveil, direction le taf pour pas mal d'entre vous. On va écouter Bibi Rexha dans la playlist Énergie, ça c'est cool, il y aura aussi Aya Nakamura. Aya Nakamura, mercredi soir chez Koé sur Énergie, voilà, c'est dès 17h, 18h pour l'émission en public. Bibi Rexha, Aya Nakamura, et il est à 20h ce soir sur Énergie, comme tous les soirs, voici le meilleur du Rico Show sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Eh oui, une minute avant que Malik et son client, vous allez donc jouer pour nos auditeurs. Sarah, tu représenteras Marie. Yes. Sylvain, tu représenteras Nicolas. Et ouais. JM, Dimitri. Allez, une patate shot d'une minute. Évidemment, vous la refilez. Le dernier qui l'a en main perd. On y va, top, c'est parti. Sarah, combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen? 8. Non, 12. Comment Jean-Jacques Goldman marche-t-il en 1985? Je marche seul. Bonne réponse. Par contre, toi, les fausses notes, ça y va. Comment appelle-t-on les habitants d'Angers, Sylvain? Les Anjouins. Les... Avec toi, on n'a pas le choix, hein, les Anjouins. Par quel nom désigne-t-on le petit de l'éléphant? L'éléphanto. Bonne réponse, attention. JM, quelle chanteuse interprète le tube Ma philosophie en 2005? Amel Bent. Bonne réponse, Sarah. Quels animaux de dessin animé sont Tic et Tac? Tic et Tac, c'est des petits rongeurs. Des hamsters? Non. Des rongeurs. Mauvaise réponse, des écureuils. Okay. Quel jeune chanteur connaît le succès en chantant ces soirées-là en 2000? En 2000? Ouais. M. Pokora. Oh là là. Yannick. Oh là là, mais t'es mauvais. Vas-y, redis. Quelle est la monnaie du Maroc? Le dirham. Bonne réponse, attention Sylvain, quel haricot est l'ingrédient de base du chili con carne? Haricot rouge. Bonne réponse, attention JM, combien y a-t-il de litres dans un décalitre? 10. À quel genre d'article appartiennent 1 et 1? Ah là, c'est perdu ça. Non mais t'as pris ton temps pour la question. Franchement, rien que pour Yannick de cette soirée-là. Tic et tac. Franchement. Tic et tac. Attention, tu as donc fait perdre Marie. Marie, je suis désolé, Marie d'amour. Désolée, c'est Rico, c'est pas moi. Non, bah écoute. Bon, Marie, on va te faire un petit cadeau quand même, t'inquiète pas, je t'embrasse. Ah, c'est bien. Merci. Plein de bisous, Marie, d'amour. On t'embrasse. Bisous. Bisous, ma chérie. Reste Dimitri, Nicolas, c'est la finale. Sylvain JM est derrière le VTC. Top, c'est parti. Attention, Sylvain, comment s'appelle le père Ingalls dans la petite maison dans la prairie? Le père Ingalls, c'est le père là. Ouais, ouais. Facile. Je sais plus, moi, je regarde pas. Vas-y, sors un nom. Je regardais qu'à 2000, moi, là. C'est même nom de ton grand-père. Georges. Charles, quel instrument d'écolier a la forme d'un triangle rectangle? Rectangle. L'équerre. Bonne réponse. Attention, JM, de quel boys band Robbie Williams a-t-il fait partie? Oh putain. Oh what? Non, c'est pas. Je sais pas. Tu n'auras pas. Tech Dat. Ah, Tech Dat, ouais. Attention, sur une télécommande, quelle touche a pour symbole un carré plein? Un carré plein, je sais pas gros. Stop. À quel âge n'est-on pas sérieux selon un poème d'Arthur Rimbaud? Quand on est petit. L'âge. 17 ans. Combien y a-t-il de joueurs par équipe sur un terrain de beach volley? Beach 2. Bonne réponse. Au JO, quelle épreuve d'athlétisme se dispute sur la plus longue distance, Sylvain? Le 1500 mètres. Non, le 50 km. Oh là là. Quel nombre s'écrit avec un I et un X en chiffre romain? IX. IX. 10. 10. Il y a le I avant le 11. X. T'as fait 9. César. Eh, c'est dommage, le neuneu. Tu fais perdre, évidemment, Nicolas. Voilà, Et donc, j'ai gagné Nico. Eh oui, et donc. Eh oui. Mais c'est combien? T'as vu, il sait même pas ce que c'est le stop sur une télécommande. Mais évidemment, j'ai compris que c'était la télé. Eh ouais, c'est comme tout ça, Nico. Je suis désolé, mon Nico d'amour. Ah, c'est pas grave, je vous aime tous. On t'aime fort, on va te faire un cadeau. Merci, c'est gentil. Et juste un petit message, si tu me le permets. Vas-y, Nico. Juste, franchement, vous faites super plaisir, vous vous rendez même pas compte comment vous faites plaisir aux gens. Moi, je te dis honnêtement, je vais écouter pour le jour de l'an, j'ai choisi dans mon boulot, alors, entre Noël et jour de l'an. Et je te dis, j'ai choisi le jour de l'an juste pour t'écouter. T'as je vous kiffe. Et juste pour dire à ma femme que je l'aime de tout mon cœur. J'ai 39 ans, ça fait 30 ans que je suis avec elle. J'ai 3 enfants et je les aime de tout mon cœur. On t'aime, mon Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, président. Ah non, ça a déjà été fait. Nicolas, on t'aime très fort. Merci de nous suivre. C'est vrai que pour le nouvel an, on vous accompagnera pendant 10 heures et je suis content de t'accompagner, Nico, avec toute l'équipe. On t'embrasse, mon poulet. On t'aime fort. Bisous, on va te faire un cadeau, accroche pas. Bisous, mon Nico. Et bravo, Dimitri. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Everything's gonna

my friends are leaving me behind. I didn't wanna catch a feeling. There was something in that flashing. Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde. Bon réveil, belle journée. J'espère que tout va bien. On va écouter Soprano dans un playlist Énergie. Imagine Dragons qui arrive aussi. Sopra, Imagine Dragons, ça c'est pour la playlist Énergie et pour le meilleur de ce qui se passe tous les soirs sur Énergie. Voici le meilleur de Mickaël. Kevin, qu'est-ce qui t'amène? Bonsoir. Kevin. Je viens de faire un burn-out. Comment? Quoi? Qu'est-ce que je viens de faire un burn-out. Une burn-out. Tu veux faire un burn-out? Non, j'en ai fait un là. Ah, t'as fait un burn-out? Oui. D'accord. Excuse-nous, mais qu'est-ce qu'un burn-out? Parce qu'en fait, je supporte plus ce village, il faut que je trouve un appartement. Quel village? Ça n'a rien à voir, tu peux pas. T'es à Paris, c'est ça? Je supporte pas ce village, il faut que je trouve un appartement. Quel est le lien? Ça m'a rendu malade. Non mais de quoi tu parles, on comprend rien. Le burn-out, c'est pas quand tu supportes plus ton village. Ouais, mais en même temps, tu vas chercher un appartement parce que tu supportes plus le village, ça n'a rien à voir. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Bon alors, je suis sans emploi. Bon, enfin c'est pas un travail ça. Donc tu peux pas faire un burn-out? Bah oui, tu fais un burn-out de quoi? C'est parce que ça m'a, j'ai déprimé, ça m'a rendu fou. Hey, tu fais pas un burn-out, tu fais une dépression. Voilà, une dépression, excuse-moi, je voulais dire ça. Tu n'as pas d'excuse, t'inquiète pas. Bon, très bien. Enfin non, pas que tu fasses un burn-out. Non. Mais on se comprend quoi. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je voulais savoir si c'était cher un appartement. Ça dépend. Je veux savoir aussi si mes parents ils accepteront que je m'en aille de chez eux. Ah bah, c'est-à-dire qu'en mais fait, jamais d'avis, mais qu'on part pas de chez ses parents. Attends, ils peuvent pas te retenir contre ton gré. Hein. Tu es majeur et vacciné. Enfin, en tout cas, majeur. Oui. Sinon, oui. Ça s'appelle de la séquestration. Oui, justement, voilà. Est-ce qu'ils t'attachent? Tu es attaché ou tu es libre? T'es libre? Attaché. J'ai envie de m'en aller de ce village parce qu'il y a que deux commerces et puis. Franchement, il n'y a que des profiteurs, il y a des gens louches. Comme je suis connu, ils profitent de moi. T'habites en Belgique? Non, j'habite pas en Belgique, j'habite en France, Amina. Bah voilà, très bien. Bah en Belgique. Ok, tu es dans quel village pour avoir une telle haine comme ça envers ce village? Dans le 82 à Grisolles, mais c'est un village dans la campagne, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est triste. C'est sympa la campagne. Il n'y a qu'un bureau de tabac et puis c'est tout. Profites-en parce qu'il va bientôt fermer. Grisolles. Voilà. Mais et alors, c'est sûr que c'est pas Bouzolles plutôt. Et ça commence à vendre et à louer dans le village. Et voilà, il faut que je parte à tout prix parce que. Ah bah voilà, c'est l'occasion d'acheter alors. Si ça commence à vendre et à louer. Il faut que je loue quelque chose et. Il y a une gare en plus. Là, je suis en train de regarder sur Maps. J'ai jamais pris un appartement et il faudrait que je sois indépendant pour la première fois. Bah trouve un boulot. Déjà, bah oui, sans taf c'est mort. Hein. Oui, mais Le taf c'est à Mars. Le taf c'est quoi? Ah, c'est à Mars le taf. C'est à Mars? C'est en Mars. Sur Mars? Oui, ou sur Mars aussi. Non, le mois de Mars. D'accord. Ah, d'accord, ok. Faut attendre d'avoir. Mais c'est quoi, c'est un CDD ou un CDI genre? C'est un CDD. Bah, faut attendre d'avoir un CDI, sinon ça va être galère. Hein. Parce que là, ils peuvent pas m'embaucher parce qu'il faut qu'ils aient le financement pour les jeunes. Évidemment. D'accord. Bien. Faut voilà. Qu'ils ont le financement. Et j'espère que je vais trouver un appartement parce que là, je suis. Ah, ça va, je te rassure, une maison de 90 mètres carrés, c'est 800 euros. Donc un appartement, ça devrait aller. Ouais. Et en plus, je crois que j'ai le droit aux APL. D'accord. Ah, bon, écoute. Bon, après, tant mieux. Tu as HLM à Grisolles, toi? Bah, sûrement, ouais. Comment? Je vais regarder. Fais une demande HLM à la mairie, genre. Oui, à la mairie, il faut que j'y aille à la mairie. T'es en galère d'argent. Ouais. C'est une idée. Oui, non, je touche la CAF, moi. D'accord, bon bah écoute. Et ok, et ben très bien. Au moins comme ça, on a pu t'aider. Oui, et merci Mickaël. Il y a des logements sociaux visiblement. Tu vas sur ville-grisolles82.fr. Oui. Et voilà. Après, il y a un lien pour les logements sociaux. D'accord, bon, d'accord, voilà. Je regarderai. Bon, écoute, tiens-nous au jus, hein, d'accord?

getting off by the blood in my head won't break it. I can taste it. The end is upon us. I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it. Vous êtes sur Energy, salut tout le monde, bon réveil. Je vous récupère là, comme chaque matin dès le réveil au saut du lit, direction le boulot, direction les cours avec toute la playlist Energy. On va écouter Offenbach, Claudio Capeo et avant de le retrouver à 20h ce soir sur Energy en pleine forme, voici le meilleur du Rico Show. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Energy. Je vous l'ai promis, c'est le son du jour, ça vient de tomber. On est dans le 19e arrondissement, une école primaire, une récréation, tout ce qu'il y a de plus classique et banal. Et voici ce qu'on entend à 10h. Macron démission. Non. Macron démission dans la cour d'une école primaire du 19e. Je te jure, à 10h par des gosses qui ont entre 6 et 10 ans. Quoi. Non, mais il répète ce que disent les parents, c'est pas possible. Ouais, je pense qu'il s'éclate, il doit avoir des vidéos, énorme. Mais c'est ouf à cet âge-là. Ouais, peut-être c'est le directeur de l'école qui s'appelle Macron et c'est pas du tout le président. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais. Ou il s'appelle Marron. Non, mais c'est ouf, quoi, c'est les gosses. Génial. Je suis resté scotché, quoi. Purée, c'est la révolution. Ah, vraiment. Ah ben là, ça commence par le bas. Hein. C'est les petits. Hein. Ils vont mettre un gilet jaune. Je les ai vus à la sortie de l'école, ils avaient tous des gilets jaunes. Ouais. Ils passaient le passage piéton comme imagine. Ça. Des cartables jaunes. Non mais je les ai vus. Bah ouais, ils sont révoltés pour la hausse des bonbons. Ah bah c'est ça. Bah c'est pour ça ils font la gueule. Merci Sylvain. Et ils ont mal choisi leur porte-parole. Apparemment pas, pas du tout. Laszlo a fait le 0870 42 48. Ça va Laszlo? Ça va mon Rico. Bonjour toute l'équipe. Salut au point. Laszlo parisien. Ça va chauffer sur Paris là ce week-end, comme un petit peu partout en France. Hein. T'es à l'abri mon Laszlo. Ouais, à l'abri, ouais, je vais voir pour partir un peu ailleurs, quoi. D'accord, ouais, bah écoute, il serait temps, là, parce que voilà. Là, ça va être compliqué, hein, ça filme, mon Laszlo. Allez, les amis, on démarre les news et les animaux font le buzz. On est tombé sur une chouette qui conduit une trottinette électrique. C'est pas une vanne. Non, mais sérieux, on a vu ça sur le web. Les chouettes sont partout. Hein. Il y en a sur TripAdvisor. On en a une à la radio avec JL. Je suis là, coucou. Les chouettes sont de toutes parts. Et lui, il conduit des scooters d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est ça la chouette que j'ai vue. Je suis passé au-dessus, moi, j'ai arrêté la trottinette. C'est vrai. Allez sur Snap, RICO Energy. Vous allez voir que JM, c'est vraiment le gars de TripAdvisor. Ah ouais. Si vous dites, tiens, c'est des voix, on n'associe pas forcément les images. C'est la chouette de TripAdvisor. Non, ça c'est pigeon. Ouais, c'est pareil. On pense très fort à ta femme. Hein. Laszlo, t'as déjà vu une chouette sur une trottinette? Non, mais justement, je veux bien voir ça m'intéresse. Ah bah écoute, JM va en louer une. Vas-y, t'inquiète. Il va te faire un petit kiff. Non, mais par contre, au bled, je vous jure, c'est vrai, quand j'étais petit, j'ai vu un chien qui sortait son maître. C'est il pas... le traînait. Non, mais oh, je te ouais. jure, arrête. Je te le dis. Et c'est le maître qui avait la laisse. Mais oui, il le traînait sur genre 100 mètres. C'est pas vrai. Mais je te jure. Oh, il devait être encore cuit, ton père. Il faut qu'il aille avec modération sur toutes ces histoires, les amis. Bon, on continue. Il y a aussi un hérisson qui a fait parler de lui, les amis. Oui, je jure, il y a deux hommes qui ont dit au tribunal que l'hérisson était sublime et ils l'ont mangé. Ah en donc, fait, ils l'ont chassé. Il faut savoir que c'est interdit. Hein. Ils ont dit que c'était aussi tendre que, que du bœuf. Ça pique l'hérisson en plus. Ah ben, ouais, merci. Surtout quand tu vas aux toilettes après quoi. Ah oui, ah oui bah là, derrière, tu chies les punaises. Hein. Moi, quand posé sur les chaises avant de s'asseoir. On mange du bœuf, etc. On autorise et l'hérisson, non. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai. Bah parce oui, que c'est protégé un hérisson. Oui, Qu'est-ce qu'il y a à manger dans l'hérisson? Bah, à l'intérieur, comme les oursins, ça pique, mais quand on a un petit truc orange. Je te jure, très cosmétique. Eh, les oursins, c'est... Cosmétible. Comestible. Toi, les cosmétiques, tu fais bien de te les mettre sur la trogne. C'est parce qu'elle a mangé trop d'hérissons, ça, c'est pour ça. Eh, t'as vu, Laszlo, le hérisson, c'est pas bon pour la santé. Hein. Oh non. Oh là là. Ah non, je tenterai pas, là. J'ai même arrêté. Pour le cerveau, je pense que ça en a loupé, certes. Ah bah écoute, tu sais, ah bah. Des fois, Mehdi met la main au panier, ça a l'air d'un hérisson. Hein. On rappelle que Mehdi est mon mec. Ouais, ouais, et on rappelle que tu es mal épilé. À

bitches. Bitches. Bitches. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, on est mardi, j'espère que tout va bien. Et est-ce que vous êtes prêts pour la playlist Suprême Énergie avec Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Dès qu'on les passe à la suite, c'est la playlist Suprême Énergie. Vous appelez Énergie 3937, vous gagnez la somme dingue de 50 000 euros. Ce sera peut-être tout à l'heure en direct chez Manu dans 6-9 sur Énergie, c'est ce que je vous souhaite. En attendant, bah pour vous, là, ce matin, c'est le meilleur de l'émission. Juste derrière, on écoutera Jane et Ariana Grande sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu est dans le 6-9 pour cette belle fin d'année. Joyeux Noël avec Énergie. On écoute les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Et on va lire aussi les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Nico lit tout, Nico écoute tout et il le partage avec nous maintenant. Et vendredi, on était vendredi. Et le vendredi, on se remet les médailles du vendredi. Ah oui. J'ai dit assez de fois le mot vendredi. Pas assez, j'ai dit trop de fois. Mais d'accord. Vendredi. Effectivement, le vendredi, on se donne des médailles pour se faire plaisir, pour se dire voilà, on en mérite une. C'est ça, voilà. Et il y a Lucie sur Facebook qui dit l'imprimante du travail ne marchait pas depuis deux jours. J'ai réussi à la remettre en route. Tout l'open space m'a remercié. Bravo. Classe, wow. Félicitations, c'est pas évident. Quand une imprimante est en panne, en général, tout le monde la regarde et fait bon. Roman, j'ai fait le tri de mes affaires et j'ai réussi à me séparer de 4 jeans, 5 paires de chaussures et 7 robes. Oh, oui, enfin, il reste encore 104 jeans, 225 paires de chaussures et 177 robes. C'est ça. Mais c'est un bon début. Bon, Eric, il pense qu'il mérite une médaille parce qu'il dit j'ai laissé gagner ma fille de 6 ans à Mario Kart. Ah, c'est gentil. C'est gentil, ça. C'est gentil, mais moi, j'avoue que Mario Kart, je joue quoi. Ah ouais, je joue. Ça, sur le principe, t'as envie de la laisser gagner, mais une fois que t'es dans ta course, tu t'en fous, car elle passe rouge, quoi. Non, tu vas. Non. Mais non, mais c'est un jeu vidéo. Mais elle a 6 ans, la petite, là. Et alors, sinon, t'es pas. Mais tu sais quoi, il y a des fois, je peux dire que quand t'as un enfant qui joue hyper bien à Mario Kart, il en a rien à foutre de toi. Il te met ta tôle. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, il va fanfaronner dans tout le salon avec tout le monde. C'est ça qu'on veut, non ? Non. Bon, une autre personne, une dernière personne qui mériterait une médaille, c'est Jeff sur Twitter. Il dit j'ai vidé mon lave-vaisselle qui était plein depuis lundi dernier. Ah, félicitations. Il y a un moment, le lave-vaisselle, tu le laisses tellement et tu le vides pas que ça devient en fait une armoire. Il y a aussi les messages vocaux qu'on reçoit sur notre application Manu en 6-9. Et on démarre avec un message qui prouve qu'encore une fois, Manu, tu as raison. Salut Manu, je voulais valider ta théorie comme quoi les chats sont nos ennemis. J'ai gardé le chat d'une amie pendant 3 semaines. Il m'a mordu 2 fois, il m'a envoyé aux urgences et il a décapité une souris. Ah ouais, alors c'est vrai, alors, vous voyez. C'est un chat stressé. désolée, je justifie pas totalement les actes du chat, parce que vraiment il est allé trop loin. Non, mais c'est bien connu, nous quand on est stressé on décapite. Hein. Non, mais toi on te force pas à dormir chez d'autres gens, on te force pas. Ah bah tiens Manu, tu vas dormir chez cette personne ce soir, t'es obligé. Quoi? Mais oui. Quel rapport? Le chat il est pas chez lui, elle le garde, c'est un chat qu'elle garde. Donc il est devenu fou, il a pété les plombs. Le chat il préfère que son maître, en fait, je me barre 15 jours en vacances, démerde-toi tout seul. Non. C'est ça? Mais non, mais ça, je crois qu'il préférerait partir en vacances avec son maître. Oh, voilà. Mais s'il peut pas. Voilà. Bah ouais, voilà. Et bah alors, non mais le maître, il peut pas prendre le chat, qu'est-ce qu'il fait? Bah il le donne à une amie, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais peut-être qu'il y avait un état de stress, voilà, et le chat a pété les plombs. Bah ouais. Oh là là. Ok, d'accord. Oh, la psychologue pour chat, quoi. Ah ouais. C'est précis. C'est-à-dire que le chat, c'est pas ton chat qui pisse partout, toi? Si, en ce moment, elle me pisse un peu dessus, ouais. Voilà. Et tu le justifies comment, ça? Par le stress aussi? Un état de stress ou peut-être un petit problème de vessie. D'accord, ok. Et si ton mec, pendant une semaine, il faisait pipi dans le lit tous les jours, tu lui dirais, oh, tu dois être stressé, mon amour? Non, je lui dirais de prendre ses affaires. Tu pardonnes des choses aux chats que tu pardonnes pas aux humains. Il y a un moment, excuse-moi, c'est too much. Pour un autre message vocal, c'est une question maintenant pour nous les hommes. Et alors attention, cette personne vide son sac. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous vous endormez toujours après avoir fait un câlin? Et voilà, il n'y a plus personne. Et voilà, 10 secondes et il n'y a plus personne. Et ben, c'est du beau. Alors c'est vrai, nous on en a déjà parlé et c'est scientifique. Mais oui. Et c'est quand nous on fait l'amour et qu'on a eu l'orgasme, et ben notre corps sécrète un truc qui nous fait dormir. Des hormones du sommeil, ouais, c'est ça. Quand on atteint l'orgasme, on a des hormones du sommeil, nous, qui sont moins présentes chez les femmes. Voilà. Mais c'est scientifique, on est comme ça. Ouais, c'est tout. Désolé. Désolé. Ok, chez moi, c'est toujours mieux qu'un chat qui pisse dans ton lit. C'est vrai. Bon, un petit dernier message, c'est lundi, c'est pas facile de le reprendre, et ça s'entend un peu plus chez certains. Ouais, des matins comme ça. Mais tu vois, il vient de faire l'amour. C'est ça. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. énergie. Some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. To have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, on se fait un petit point horoscope pour ce mardi. Énergie, l'horoscope. Avec les béliers en amour, restez surtout patients, de bonnes nouvelles arrivent. Les taureaux, vous profitez d'un courant hyper favorable. Les gémeaux, votre timing est un petit peu trop serré. Les cancers, votre sourire fait fondre la glace. Les lions, vous êtes un petit peu sur tous les fronts. Aujourd'hui, courage. Les vierges, Vénus donne des ailes dorées à vos amours. Les balances, l'ambiance s'anime et vous avez besoin de soutien. Les scorpions, vous prenez le large avec un plaisir partagé. Les sagittaires, vous vaquez à vos occupations avec efficacité. Les capricornes, vous profitez d'une journée tonique et positive. Les verseaux, Saturne débarque en signe ami. Les poissons, vos démarches sont épaulées par un ciel solide. On se fait Snake dans la playlist Energy, LSD qui arrive aussi, Abamax. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Bon réveil. Le temps.

frais dans la playlist Énergie. Ava Max. She's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes. She's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. Cause she tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, no, no, no. Then saying yes, yes, yes. Cause she messing with you. Sur Énergie, c'est Cédric. Salut, salut, bon réveil, bienvenue. J'espère que tout va bien ce matin. On va écouter Dadju dans la playlist Énergie. Il y aura aussi Panic at the Disco. Petit point météo dans moins de 10 minutes. Et avant de le retrouver en direct, un petit peu avant 6h, celui qui double de salaire à 7h05 et 8h05. Inscrivez-vous là dès maintenant, énergie.fr. Aussi le meilleur de menu dans 6-9 sur Énergie pour ce mardi. Joyeux Noël. Les wan wan, les wan wan, les wan wan sur Énergie. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Quel est le souvenir le plus marquant de votre enfance, ce truc, vous vous en souvenez encore maintenant, tellement ça vous a marqué. Isa ? À 11 ans, je me suis retrouvée enfermée dans une salle de bain pendant 17 heures. Quoi ? Ouais. Oh, en fait, mes parents m'avaient... 17 heures ? Ouais, 17 heures. C'est beaucoup, 17 heures. C'est une, toute une nuit, plus une matinée. Et mes parents m'avaient laissée, en fait, avec ma grande sœur, hein, qui avait 16 ans, moi j'avais 11 ans. Ils sont partis. Et en fait, on a joué le soir, on faisait les folles. Moi, j'ai couru comme une tarée jusqu'à la salle de bain. J'ai claqué la porte comme une grande malade. D'un coup, j'ai entendu sting. Et c'était le petit loquet de la porte qui est tombé. Oh, et je suis restée coincée. Mais pourquoi ta sœur, elle a pas appelé tes parents? Eh ben, écoute, ça restera la grande question de cette histoire. Bah, d'accord. Je pense qu'elle avait peur de se faire engueuler. Ouais, c'est ça. Surtout, tranquille toute la soirée, toute la nuit, quoi. Attends, la grande sœur. Attends, elle a été super gentille. Elle m'a passé des chips sous la porte. Oh, c'est génial. Des petits Mikado aussi. Tu vois, des petits gâteaux là, tout le monde sous la porte. Et puis, bah, moi, j'ai fait pipi dans la baignoire. Oh. Et en fait, au bout d'un moment, on rigolait, hein. Ça a été. Hein. Ah ouais, cette histoire est trop classe, mon Dieu. J'ai fait pipi dans une baignoire, ouais. Et on me nourrissait avec des chips. Et la question, au bout de 17 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, mes parents sont rentrés, là, ils ont appelé un serrurier, par contre. Moi, j'avais dormi sur le tapis de bain, je m'en rappelle super bien. Oh non, mais oh le tapis de bain était un peu molletonné, il était doux, ça allait. Ah oui. J'avais 11 ans, tu vois, ça va. Mais attends, mais c'est quand même une grande révélation. Ça veut dire qu'en fait, on peut t'inviter vraiment en vacances, tu prends pas de place. Il y a plus de lit, c'est pas grave. Il y a une salle de bain, il y a un tapis, c'est bon. Les 15 jours, c'est réglé pour Isa. On a Sophie qui est avec nous. Bonjour Sophie. Salut Manu, salut Wouin Wouin. On t'écoute, on écoute ton histoire. Alors moi, à 7 ans, mon père, il a montré ses fesses à ma voisine pour qu'elle arrête de nous espionner par la fenêtre. Et aujourd'hui, c'est encore ma voisine et je suis encore super gênée quand je la croise. Ah oui, c'est un bon souvenir d'enfance, ton père qui montre ses fesses à la voisine. Oui, c'est... c'est ça. J'imagine que les relations sont un peu tendues entre tout le monde. Ouais. Exactement. C'est que, est-ce que son père, quand il a toujours pas envie de parler à quelqu'un, il refait la même chose ou pas? Je sais pas. Ça. Est-ce qu'au travail, par exemple, quand son patron lui dit que ça va pas, est-ce qu'il lui montre son cul? Non, non, ça va, il s'est calmé quand même. Ah, oui, c'est bien, parce que autant la voisine va rester, autant le patron il va te dire de pas rester. Hein. Donc, faut faire attention. Ouais, t'imagines Emmanuel Macron ce soir? J'ai pas envie de parler, voilà. Hey, j'ai entendu ça à la radio ce matin, je trouvais ça drôle. Merci de nous avoir appelé, Sophie. Belle journée à toi. Salut. Gros bisous. Paulette. Moi, c'est mon mariage fictif avec Samy Salami. C'était mon amoureux de l'époque. Alors déjà, Samy Salami, c'est rigolo. Ah oui, j'ai été charmée par évidemment le nom et le prénom. Évidemment. Ouais. Samy Salami. Ouais. Et on avait fait ça dans le jardin de mes parents. Et donc, il y avait ses parents, mes parents et nos copains de l'école. Bah, d'accord. Et j'ai carrément eu une piscine gonflable en cadeau de noces. Voilà. Mais qui a organisé tout ça? Vous avez quel âge? Avec ma mère. On avait 8 ans. Ah d'accord. Et il est où ce mari? Ah bah on s'est quitté. On n'a pas divorcé d'ailleurs, ce qui fait que je suis toujours mariée. Hein. Ah bah avec lui évidemment. Le mariage à 8 ans avec Samy Salami. Il faudrait que je le retrouve. Bah écoute, alors nous lançons un appel. Ah oui. Voilà, si Samy Salami, tu nous écoutes, c'était où? À Bordeaux? Oui, exactement. Voilà, Samy Salami à Bordeaux, j'imagine que tu te caches parce que le nom est difficile à porter. Eh bien, fais-nous un signe, Samy Salami. Je pense qu'on pourrait lancer peut-être une opération pour essayer de retrouver l'amoureux de Paulette quand elle avait 8 ans. On refait un mariage autour d'une piscine gonflable. Et on refait le mariage autour de la piscine. Oui, oui, fictif, hein, encore une fois, parce que bon, hein, on va non, pas mais là, pour le coup, on fait un vrai. Ouais, un vrai. C'est rapide. On va te marier à Samy Salami. Angélique, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Angélique. Quel a été le souvenir marquant de ton enfance? Mais moi, à 10 ans, en quittant le camping de nos vacances, notre caravane s'est détachée de notre voiture et nous a doublé. Oh merde. Oh. Ça, c'est un bon souvenir, ça. Ah ouais. C'est-à-dire que vous sortez du camping, la caravane se détache. Oui. Et genre, la voiture elle freine et là tu vois la caravane passer sur le côté quoi. Voilà, et je dis à mon père, c'est normal que la caravane nous double. Oh, oh merde. Mais, et ça s'est fini comment? Parce que j'imagine que ça a été compliqué de la récupérer. Hein. Non, on roulait pas vite, donc elle a fini sa course contre un arbre, il a pu la rattacher. En fait, il avait juste mal attaché au niveau de la boule d'attelage. Ah, effectivement, il l'avait mal attaché. Hein. Quand t'as la caravane qui passe à côté de ta voiture, a priori, c'est qu'elle était mal attachée. Ouais. Putain, c'est chaud. Ouais, heureusement, j'espère qu'il y avait personne dedans, quoi. C'est vraiment de la personne. Non. Mais je crois que t'as pas le droit. C'est interdit. Quand t'es en caravane, t'as pas le droit d'avoir quelqu'un dedans. Non, ou alors sauf si tu veux t'en débarrasser, comme apparemment c'était le cas. Désolé, mamie. J'ai mal attaché la caravane. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, bonnes vacances. Merci de nous avoir appelé, Angélique. Belle journée à toi. Merci, bonne journée, au revoir. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. monde connaît pas des limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde. 6h, retour en direct de Menu dans 6-9 sur Énergie. D'ici là, le meilleur de l'émission. Puis vous, y préférez Énergie, météo. Le temps pour aujourd'hui, avant ça, c'est Mossad sur la partie nord du pays ce mardi matin. La partie sud, c'est beaucoup mieux avec beaucoup d'éclaircies, pas mal de soleil. Les températures en grosse baisse, moins 2 à 8 degrés. Cet après-midi, des éclaircies qui remontent un petit peu plus au nord. Les températures max, 6 à Dijon, Colmar, Strasbourg, Metz, Paris et Lille. Il y aura 9 à Caen, Lyon, Clermont, Brest, Nantes et Limoges. 13 degrés à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et Marseille. Manu dans 6-9 sur Énergie en direct dès 6h. Et là voici David Guetta. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why? good behavior. Ooh, oh, oh. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. I feel alone in your arms, I feel you breaking my heart. Say my name, if you love me, let me hear you. Pa' que lo dan, mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, I am dying to believe you. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Alors préparez-vous, hein, peut-être avant 9h30, la playlist Suprême Énergie avec 5 hits bien précis à la suite, c'est-à-dire Angèle, Marshmello, Big Feoli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Si c'est le cas, vous appelez Énergie 3937 et Manu dans le 6-9 sur Énergie vous offre 50 000 euros ce matin. Ouais, c'est le prêt pour vous. Hein. Il arrive en direct dès 6h sur Énergie. D'ici là, 10 euros et le meilleur de l'émission pour vous sur Énergie. Bon réveil. Manu dans le 6-9. C'est Manu, Manu et c'est Wouin. Joyeux Noël avec Énergie. Glandu va nous poser chacun notre tour une question qui démarre par, d'après toi, qui dans le studio? Ouais. Et ensuite, on se met sur la tête. C'est ça. Allez, vas-y, commence. Allez, on va commencer avec Isabelle. Oh là très là. Bien. Okay. Chez qui dans le studio tu n'aimerais pas être invité à dîner? Bah chez toi, hein, Glandu. Moi, ah, oui. Tu nous parles sans arrêt de tes knackis froids dans le micro-ondes, ouais, de la bon. Purée. Enfin, c'est vrai que envie. Si on va chez ouais. toi, ça va être sympa. Hein. Bah ça va être. Ouais, mais c'est pas la. Voilà, c'est pas. Non, pour la c'est plus un gros apéro chez moi, quoi. Ouais. Gros saladier chips, gros saladier d'olive verte. Et comme ta ça. Question est chez qui dans le studio tu n'aimerais pas être invité à dîner. Dîner, ouais. C'est logique que ce soit toi. Eh ben écoute, c'est noté. Je t'inviterai pas, du coup. Non, mais invite-moi, je mangerai avant, c'est tout. Non, bah non, c'est pire. Alors non, tu veux pas être chez moi. Invite-nous et on amène à bouffer. Non, mais arrête, c'est million. C'est quoi, invite-nous mais et barre-toi. Non, mais Valentin, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe, elle continue. Ok, allez. Arrête, c'est bon, c'est bon. Paulette. Oui. Qui dans le studio serait le premier à fuir en cas de bagarre, selon toi? Pas mal. Ça, oh là, la virilité. Ça peut être vexant. Qu'est-ce qui fuit? C'est toi, Manu. Oh ouais. C'est vrai. Alors, je te dis pourquoi. Il est pas content. Parce que j'ai rien dit. Je sais que Nico, je l'ai déjà vu quand quelqu'un commence à le chauffer un peu en boîte. Bah, Nico, il fait super peur. Ouais, regarde, je suis un peu tendu. Glandu, il fait pseudo peur, mais il fait comment pas très peur. Ah, et tu fais pas peur, mais bon, tu peux quand même te défendre. Ouais, je suis vif. Manu, il va lancer l'embrouille, il partit en courant. Ouais. Alors, je ne vais pas lancer l'embrouille, mais je pars en courant. Ouais. je sais pas me battre. Ouais. Non, mais quand je dis lancer l'embrouille, c'est tu vas faire la petite blague qui va pas passer. Ah oui, oui, non, ça c'est possible. Je fais la petite blague qui effectivement peut ne pas passer, mais je suis quand je la fais, je ne me rends pas compte que ça peut pas passer. Bien sûr. Et après, gentil. Et après, je mets Nico devant moi. C'est ça. C'est vrai que tu nous as déjà raconté, Manu, que ton astuce c'était de dire on m'a cassé mes lunettes. Oui. On m'a cassé mes lunettes. Ça c'était à l'école. Ouais, mais ça peut marcher encore aujourd'hui. Je sais pas. Non, je suis contre la bagarre. Mais c'est bien. Non, c'est pas par goût, c'est par nécessité. C'est mon instinct de survie qui me parle. Voilà, c'est tout. Bon, c'est comme ça. Ensuite, Nico, à toi. Vas-y. Qui dans le studio possède des sous-vêtements qui ont plus de 10 ans? Attends, qui les possède ou qui les met encore? Non, qui les met encore, qui les pose des vieux sous-vêtements. Pas forcément sales, hein, mais qui ont des trous, du coup. C'est homme ou femme, hein. Un peu négligé, quoi. Homme ou femme, évidemment. Ok. Ouais. Ouais. C'est pas de l'acharnement, du coup. Ouais. Non, pas c'est pas du tout de l'acharnement, non, mais je dirais toi, Manu. Hein. Alors, c'était le plus négligé, peut-être. Négligé. En termes de sous-vêtements, à chaque fois, tu parles de tes caleçons Superman. Oui, voilà. Non, j'ai des sous-vêtements qui datent de plus de 10 ans. Bah, ouais. C'est des souvenirs. J'ai le caleçon de mon mariage. Ouais. J'ai perdu la bague, mais j'ai le caleçon. C'est romantique. Et dis pas ça à un premier rendez-vous, quoi. C'est dis pas, j'ai mis le caleçon au mariage. Mon ex-femme. C'est pas ouf, quoi. Ça marche. J'ai un caleçon Superman aussi. Ouais, ouais. Mais tu le mets encore? Bah, de temps en temps, parce que voilà, c'est pour le. Tu te dis, j'ai un truc, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, quoi. Tant qu'il n'y a pas de trou, ça marche encore. Exactement, il n'y a pas de trou, ça se met. Même quand il y a un trou, ça se met. Oh, ça va, c'est propre. Okay. Bon, vous aviez des questions, j'ai des réponses. Allez, tu vas pouvoir te venger, Manu. C'est à toi. Vas-y. D'après toi, qui dans le studio tu verrais le plus dans les anges de la télé-réalité? Paulette. Oh, très bien, je me casse. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas hésité. Non, mais pourquoi? Pourquoi moi? Bah voilà pour ça. C'est vrai. Pourquoi? Non, mais c'est dégueulasse. Bah voilà, là non, c'est. Bah quoi? Non, mais c'est gratuit. J'ai fait quoi pour mériter? Je ne veux pas faire les anges de la télé-réalité. Je suis pas bien en maillot. Et bah juste, tu vois, voilà, ça fait une putain bonne scène. Ça fait une bonne scène. Tu t'énerves, tu fais le show, tu fais le spectacle, tu fais des fautes de français. Nickel, quoi. On est bien. Non, elle fait pas de fautes de français. Bah déjà, je fais pas de fautes de français. Ça lui arrive quand même. Bah, non, pas du tout. Non, elle en fait pas. Alors, elle écrit, oui. Ouais. Ah ouais. Non, parce que je suis distraite en fait. Parce qu'on fait des dictées dans cette émission et moi j'entends pas bien. C'est des fautes des tours de riz. Voilà, c'est ça. On est dans les anges là. Ouais. Non, pas du tout. C'est génial. Merci. Mais non, je me défends, vous êtes. Mais c'est méchant, je vous déteste. J'ai envie de zapper. viens, on va regarder les Marseillais, il y a Isa dedans. Non, les relous. C'est gratuit. Et en plus, t'es belle en maillot de bain. Mais je trouve pas. La vérité, Isa, tu n'as jamais vu Paulette en maillot de bain. Eh ben si, figure-toi. On se montre des photos, on se raconte des trucs derrière ton dos. Ah bon, d'accord. Bon, allez, on va s'inscrire. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et si une envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier. Pour y croire. Faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Les yeux oublient que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais. Sur Énergie, il est 5h55, c'est Manu dans le 6-9 et nous sommes de retour pour démarrer cette journée avec vous. Soyez les bienvenus. Ouais. Ah. Oh, c'est rigolo. J'avais pas percuté. Glandu et Paulette, vous avez le même pull Ouais, des rayures, quoi, on va oui. dire. Oui, c'est pas le même. Rayure blanche sur, ouais. sur fond bleu, c'est rassurant. Ouais. On va prendre une photo, c'est rigolo. Ah, c'est très drôle. Ouais. Ah, oui, c'est très drôle. Ça fait le buzz, je pense. Oh, il est vexé. Ah, ouais. Non, pas du tout. Voilà. Non, pas du tout, tu dis que c'est drôle, c'est pas hilarant non plus quoi. J'ai déjà vu. Ah, bah tu vas nous montrer ce qui est hilarant, j'aimerais que tu montes ça du studio, c'est quoi. Ah non, mais là, il a ensuite à démarrer. Allez, tout le monde sort. Allez, tout le monde sort. Il démarre mal. Salut. Alors là, Glandu, il arrive. C'est pas bien de faire ça. J'arrive de bonne humeur. C'est pas bien de faire ça. J'arrive de bonne humeur. Je suis bien, je suis content. De bonne humeur. Je dis c'est drôle, vous avez le même pull. Ah ouais, c'est vachement drôle. Et ben résultat, tu vas nous montrer ce qu'est le rôle. Antoine, tu sors aussi. Hein, tu alors, on va me laisser tout seul. Et glandu pour le club du 555, un club du 555 exceptionnel aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de musique. C'est pendant 4 minutes maintenant. Mais non, jusqu'au fin de disque. Voici glandu tout seul qui va nous montrer ce qu'est le rôle. Attention, c'est parti. On est sorti du studio. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Franchement, je pensais qu'il y avait une solidarité dans l'équipe, et ben, je me rends compte que pas du tout en fait. Là, ils sont dans le couloir, ils me regardent en rigolant, ils vont chercher des cafés. Et moi, je suis tout seul. Donc voilà, juste parce que, effectivement, j'ai pas trouvé drôle cette petite blague. Manu, il s'en va très loin. Cette petite blague qui dit que parce qu'on a des pulls rayés tous les deux et des pulls marines, hein, ce qui est somme toute assez classique, eh ben, il faudrait que je rigole aux blagues de monsieur. Eh ben non, je ne rigole pas aux blagues de tout le monde. Hein. Je ne suis pas une machine, je ne vais pas rire de tout et de rien. Et voilà. Et maintenant, bah, je vais demander quand même de revenir. Hein. La blague a assez duré. Ah, non. Bon, ils me prennent en photo. J'ai l'impression d'être dans un zoo, d'être un animal dans un zoo. Ils me prennent en photo de dehors en rigolant. Donc voilà. Eh ben, je me sens très seul. Je me suis rarement senti aussi seul. À part un moment. C'était en 3e B, quand la prof m'avait laissé tout seul après les cours. Elle m'avait dit, tu restes dans la classe, tu vas méditer un peu sur ce que tu as fait. Et voilà, j'étais resté du coup une heure seul. Donc voilà. Voilà. Et ben, la vie n'est pas simple. Parfois, je m'en rends compte maintenant. Hein je m'en rends compte maintenant. Puis qu'en plus, je peux même pas envoyer de son. J'aurais pu envoyer un disque comme ça, aller appuyer sur un bouton, mais je ne sais pas me servir de cette énorme console. Donc je ne pourrai rien faire. Juste vous et moi. Hein. On est bien quand même. Hein. 5h57. Je pense qu'on est bien. Peut-être que vous vous levez là, vous dites, c'est quoi cette émission de merde? Eh bien, c'est moi, c'est Glandu. Il m'a laissé tout seul à l'antenne après que je n'ai pas ri à une de ses blagues. Je pense que ce jour m'aura au moins servi de leçon. C'est bon, Manu, tu peux revenir? Manu! Manu! Oh, il boit son café. Bon. Pas fini son café. Les infos, bien sûr, dans 2 minutes. Hein. Très important, les infos du jour. Manu, ça va maintenant? C'est relou, là. Allez, là, y en a marre. Reviens! C'est bon, je suis désolé. Je m'excuse, putain. Bon, je me suis excusé, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas trop de news non plus, hein, à vous donner. Il croise les bras dehors. Ça devient chiant. Qu'est-ce que je vais vous dire? Hier, allocution présidentielle. Ah voilà, il revient. C'était pas mal, hein? Mais mais quelle démonstration! Oh là là là là! C'était bien, ça t'a plu? Ah, mais alors là! Ouais! Oh! Ah, merci! Mais tu sais, je me demande pourquoi on fait pas ça tous les matins! Hein. Ah ouais, tu vois? Oh là là! Un petit édito comme ça! Ah, c'était incroyable! Ouais. C'est vrai que quand j'ai dit que vos deux pulls étaient exactement les mêmes, ouais. J'ai dit que c'était drôle! Ouais. Non, là j'ai compris! Ouais. Là, t'as montré à la France entière ce qui était drôle! Ouais, c'est un exercice! Hein. Ah, mais, attends, master of the master! Merci, c'est gentil! Oh là là! Et t'as vu comme dans les dîners, quand on a rien à dire, boum, on part politique! Ah. Il partait sur Emmanuel Macron! C'est l'actu! Bah, il était en panique totale, donc il était sur son ordinateur et il regardait ce qu'il y avait! Hein. T'as pas pris une grosse leçon de radio là, Manu? Mais j'ai pris pas une leçon de radio, j'ai pris une leçon de vie. Ouais. C'est vrai? Voilà. Bah, c'est gentil. La moralité, c'est quoi? C'est qu'on recommencera plus, ça. Bah, oh. Non, la moralité, c'est que faut pas démarrer la journée avec quelqu'un qui est heureux, qui est content, et arriver vers lui et lui dire, mais non, il y avait pas drôle, ça. Voilà la moralité, c'est ça. J'ai pas dit c'est pas drôle, j'ai dit c'est pas le plus drôle. Personnellement, je ne prendrais jamais le risque de venir ici avec un pull rayé. C'est ça. Et Isabelle, on est d'accord qu'elle n'a rien compris. Non, non, non, non. Moralité, faut pas venir avec des pulls rayés. Hein. Ça rend Manu complètement dingue. Et ben, c'était un club du 555 un peu spécial, on le refera plus évidemment. Ah, c'était long.